dimanche 8, donc je venais de planter la dernière fois, j'avais dit mars, donc avril. Et donc au début on était présent sur la place tous les jours avec un créneau horaire très long. Bon, il y avait aussi Tout Nuit Debout qui était présent sur la place à ce moment-là. C'est vrai que là il y a un petit peu moins de monde. Donc ce qu'on a proposé dès le début, c'est la charte qui est ici en fait, donc que n'importe qui pouvait venir nous proposer des interventions, en sachant qu'on n'a jamais refusé d'intervention. Donc on s'est posé plusieurs fois la question justement, est-ce que on doit faire attention au titre des interventions, si elles sont orientées politiquement ou pas. Et donc ça c'est aussi ce qu'on peut mettre ici en débat. Je sais pas si quelqu'un vient nous parler d'un sujet qui est pas... qui est un peu inquiétant pour des gens nus debout, je sais pas, quelqu'un qui viendrait nous parler de la campagne politique de Marine Le Pen, par exemple, et qui viendrait la défendre. Donc du coup, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que dans l'organisation, on n'est pas garant de ce qui est dit, et on s'appuie sur la critique du public. Donc du coup, on s'est dit qu'on ne refuserait aucune intervention, et qu'on s'appuierait sur la critique du public pour parce qu'on fait pas de la propagande. Voilà, pour la définition de la propagande. Donc je sais pas si déjà il y en a qui aimeraient, voilà, qui sont venus plusieurs fois à Debout Éducation Populaire, qui font pas forcément partie de l'orga, et qui aimeraient dire un petit peu ce qu'ils ont pu trouver ici, par exemple. Je me considère un petit peu comme moitié non-commission, non de cette commission, et moitié oui, parce que moi, je viens de l'intégrer il y a trois jours, et j'ai fait ma première intervention aujourd'hui. J'étais ultra content de l'accueil des organisateurs et tout. Vraiment, je les remercie. Je remets tout. Enfin, c'était vraiment ultra sympa de leur part. Et voilà. Enfin, n'hésitez pas à faire des propositions. Moi, j'en avais deux petites. C'est que, enfin, je suis aussi musicien. J'ai beaucoup d'amis musiciens, et je me suis dit pourquoi pas. Est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de rameuter des gens en fait, montrer qu'il y a du bruit, qu'il y a des choses, etc., qui se passent sur la place de la République, etc. Pourquoi pas faire en sorte que toutes les demi-heures, en fait, il y ait un musicien qui arrive et qui fasse juste une chanson, quoi. Parce que ça porte et ça permet d'avoir du bruit. Donc du coup, ça, même des gens qui sont pas vraiment ultra adhérents au discours antinéolibéral qui est la base de ce qu'on a besoin aujourd'hui, ça permet de les faire venir. Et en même temps, voilà, s'il y a des gens qui veulent faire des pâtisseries, etc., moi je vais me lancer, je vais faire des mousses au chocolat et des sablés, et je vais les vendre. Et donc du coup, on va les donner à la, je sais pas, commission grève. Enfin, j'avais pensé à ça, mais je sais pas, faut que je discute avec la logistique. Donc du coup, voilà, enfin des propositions comme ça. Du coup, le prix, en fait, ce serait aux gens de décider. Et donc du coup, je ferais payer juste le prix de production, donc c'est 10 €, et en tout, pour un total de 70 sablés et de 30 mousses au chocolat. Donc c'est pas mal, et après le reste on pourrait le déverser à la caisse grévy, je sais pas, j'ai pas encore discuté de ça, mais voilà, il y a des trucs à faire. Est-ce que vous avez des propositions sur comment on pourrait quels autres types d'interventions on pourrait faire? On s'était posé une fois la question, en cas justement de créneau libre, si on pouvait faire des débats par exemple sur des films, sur des dessins animés, sur des livres. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, n'hésitez pas à prendre le micro pour, je sais pas, pour faire des critiques aussi. Ouais, moi j'ai pas de proposition, mais ce que je constate, c'est que ça fait 3 mois qu'on nous dit que dans une semaine, Nuit Debout c'est fini. Donc franchement, ça me fait plutôt rire quand j'entends encore aujourd'hui des gens qui viennent nous voir, font « Ouais, mais la semaine prochaine vous serez plus là ». Donc oui, la semaine prochaine, moi je serai peut-être plus là, mais... Enfin, si, je serai là quand même. Voilà, c'est juste, ça fait 3 mois qu'on nous prédit ça, et moi ça me fait rire, quoi. Voilà, ça c'est juste pour dire ça. Oui, alors moi je suis pas d'ici, on est de Perpignan, mais on est ravis de participer aux Nuits Debout de Paris et qu'elles soient encore là. Et justement, ce que tu viens de dire, ça me fait rebondir sur l'article qu'on a lu du Parisien ce matin, où eux ils font croire que effectivement Nuits Debout, bah c'est foutu, quoi. Et en fait ils vont pas à la place au bon moment aussi, donc je pense que c'est voulu. Et bah oui, effectivement Nuits Debout c'est encore là, et même partout ailleurs en France c'est encore là, et même à Perpignan où on a du mal, on est encore là. Donc il faut arrêter de fantasmer en se disant bon bah c'est bon, de toute façon ça va se finir, quoi. Non, ça se finit pas, c'est un mouvement citoyen, et tant qu'il y a des citoyens qui sont là et qui sont intéressés, eh ben on sera là, quoi. Donc voilà, bon courage et bonne continuation à nous tous, quoi. Bon, j'ai continué sur la même ligne, disons. D'accord, ok, merci. Donc d'accord, effectivement on prévoit la fin. Et on l'annonce presque. Et bon, je pense qu'il faut agir. J'ai déjà préparé un document. C'est un bon, très très bon document, un hyper document, comme on dit. C'est Figaro Magazine. Allora, il Figaro Magazine di 6 e 7 6 e 7 juin qui prophétise sur la fin du mouvement La Nuit Debout. Voilà. Et donc je crois que la critique est très très pertinente, mais qu'il serait bien d'en prendre connaissance et préparer, même pas la réponse, c'est pas la peine, mais plutôt notre critique, parce qu'effectivement, il a dit que, surtout ici, on est très maquinés, voilà, manichéens, et il nous accuse exactement de son défaut. Hein, parce qu'il considère que nous sommes les mauvais et les bons, par exemple. Après, il fait des parallèles avec la... j'ai pris le document, excusez-moi. Voilà, il fait la comparaison avec Occupy Wall Street, qu'il considère beaucoup plus important et beaucoup plus efficace comme mouvement. Après, il parle aussi de Hong Kong, les mouvements des parapluies d'Hong Kong. Il parle à peine de la Tunisie, la place Tahrir. Hein, il fait, disons, une assimilation qui n'a rien de véridique. Hein. Le mouvement la place de la République, ça n'existe qu'en France, et c'est là qu'il faut voir son originalité. Voilà. Alors, si ça intéresse, on peut effectivement, je peux faire un copier-coller pour mettre en évidence les choses importantes, intéressantes, et en parler tous ensemble, parce qu'il y a quand même de quoi prendre du bon. Il y a des choses très critiques pour le mouvement, et quelqu'un qui nous fait la critique de l'extérieur et nous permet d'avoir accès tranquillement, ça nous permet peut-être de nous améliorer, et on peut lui dire merci à la fin. Ça serait très intéressant. Bon, ça c'est une chose. Une autre proposition, c'est les cinémas. J'ai entendu parler des cinémas. J'aime bien les cinémas, les films. Et si ça vous intéresse, je vous propose d'aller ensemble voir un film que j'ai vu hier. Et donc, je ne vous donne pas mon avis, parce que chacun peut avoir le sien. C'est à la clé, peut-être vous connaissez la clé, les studios La Clé, les cinémas, rue de La Clé à Paris. Il passe souvent des films d'essai, et le film de Jules Rouleuse, c'est Ça, c'est mon corps, peut-être vous avez entendu parler. Il y a Michel Onfray qui participe, qui est dans les scénarios, et d'autres philosophes de son niveau, disons. Je ne vous donne pas mon jugement sur ces personnes. Le metteur en scène, c'est Barbe quelque chose, je ne me souviens pas, je n'ai pas assez de mémoire du nom, mais vous avez sur Internet mon corps, vous mettez mon corps et vous avez tout de suite les films et les programmes. Donc, je dis ça parce que dans les programmes pour la semaine prochaine, c'est la semaine en cours, il y aura le débat avec le metteur en scène. À participer au débat avec le metteur en scène, qui a aussi le rôle titre, ça me semble une bonne occasion pour faire un travail d'aspect très social, parce que c'est un